وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Donc nous avons l'honneur dans le salon des repères de la Sunna de commencer donc un sujet par semaine, c'est-à-dire une muhadara, une exhortation. Donc à l'accoutumée c'est le mercredi, donc aujourd'hui c'est exceptionnel pour que ce soit le jeudi. Donc Inch'Allah, tous les mercredis, il y aura un sujet qui sera, mais sur différent, qui peut être même choisi par vous-même. Donc le sujet, c'est celui de la médisance et du colportage. Tout en sachant que c'est un sujet qui touche la communauté musulmane. Donc c'est un sujet qui touche la communauté entière. Énorme. Donc la médisance en arabe, bien sûr, c'est « al-ribatu ». « Al-riba ». فقد علمنا ربنا تبارك وتعالى الاحتراز من الاعتراض من الاعتزاز بما تتكلم به ألسنتك قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف الآية 18. Donc certes Allah Azza wa Jalla nous a enseigné تبارك وتعالى de nous prévenir de la prétention, de ce que peut sortir de nos langues, de ce que nous pouvons dire. Car Allah Azza wa Jalla a dit, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. وَالْغِيبَةُ مِنَ الْأَفَاتِ وَالْمُهْلِكَاتِ قَدْ شَبَّهَ اللَّهُ صَاحِبَهَا بِأَكْلِ لَحْمِ الْمَيِّتَةِ فَقَالَ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سورة الحجرات verset 12. Donc la médisance fait partie des perditions et des périls, et Allah Azza wa Jalla ressemblait à celui qui fait la médisance, celui qui médit. Allah Azza wa Jalla le considère comme celui qui mange la viande morte de son frère. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Hujurat, les appartements, verset 12, « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous en aurez l'horreur. » Donc Surat les appartements, verset 12. « وَالْغِيبَةُ تَتَنَاوَلُوا عِرْدَ الْإِنسَانِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Et la médisance est le fait de quoi? De dénigrer ou de parler sur l'honneur de la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc tout musulman est sacré pour tout musulman. Le musulman est sacré pour le musulman. Donc son sang, ses biens et son honneur. Le hadith est authentique. Donc, « Al-ribatu huwa an tazkura akhaka bima yakrahuhu law balagahu sawa'un zakartahu binaqsin fi dinihi aw nasabihi aw fi khuluqihi aw fi fi'lihi aw fi qawlihi aw fi badanihi hatta fi thawbihi ودارهي ودابته وسواء ذكرته باللفظ وبالإشارة ورمزي. Donc la médisance est le fait de que tu parles sur ton frère dans ce qu'il déteste lorsque il le sait, lorsque cela lui parvient. Donc même si tu as parlé, si tu l'as rappelé, c'est-à-dire en l'amoindrissant, c'est-à-dire en le critiquant dans sa religion ou sa famille, dans le sens en parlant de sa lignée, ou dans son comportement, ou dans ses actes, dans ses paroles, dans son corps, hein, c'est-à-dire sa silhouette, c'est-à-dire comment elle a été créée, et même dans ses habits, sa demeure et sa monture. Et le riba, donc, que ce soit le riba, donc, il sera commis, même si donc, ça peut être commis par la parole, ou par le signe, l'ishara, ou par Rams. Donc, par aussi, donc, l'ishara, donc Rams, et aussi par les signes comme l'œil. Le fait de faire un clin d'œil, ou bien de montrer quelqu'un de l'œil en se moquant un peu, en faisant certains gestes, certains mimiques, hein, comme on connaît cela. Warawa Abu Hurayrata عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان فيما أقول إن كان فيه ما تقول فقد اختبته وإن لم يكن فيه فقد بهته والحديث Sahih. Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils ont dit: Allah et son envoyé sont plus au courant. Il dit: te rappeler de ton, donc parler de ton frère sur ce dont il déteste. Et on dit: ne vois-tu pas si ce qu'on dit sur notre frère, c'est-à-dire existe dans lui, hein, si ce qu'on dit sur notre frère existe en lui, il dit: si cela existe en lui, sache que tu as commis de la médisance. Et si cela n'existe pas en lui, sache que, bien sûr, tu as menti sur le bahatta, donc tu as calomnié. Et ça, bien sûr, c'est un mensonge. Walbort, huwa al-kazib al-azim. Donc les ulama ont dit que le bort, c'est le grand mensonge. Al-Kazib Al-Azim. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها امرأة فقالت أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختبتها والحديث صحيح. Donc certes aussi, Aïcha رضي الله عنها, lorsqu'elle a mentionné une dame, une femme, elle a dit: elle est petite. Donc regardez, ça paraît anodin, ça paraît anodin. Elle dit: elle est petite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hein, tu as certes commis de la médisance envers elle. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الغيبة فقال الغيبة أن تقول ما فيه والبهتان أن تقول ما ليس فيه. On a questionné Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما au sujet de la médisance. Il dit: la médisance, que tu dises ce qui est en lui, et le burtan, hein, donc cette calomnie, et que tu ne dises ce qui n'est pas en lui. Wa qala ibn Mas'ud radiallahu anhu al-ghibatu an tazkura min akhika ma ta'lamu fih fa idha qulta ma laysa fihi fa dhalika al-burtan. Donc il dit aussi, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, donc la médisance est de rappeler de ton frère, hein, de dire sur ton frère ce que tu connais de lui. Et si ce que tu dis n'est pas en lui, sache que c'est al-burtan, donc la calomnie. Wa hukm al-riba. Donc là on va parler du statut de cette médisance. Wa qad ijtama'at al-umma 'ala anna al-ghibata haramun wa hiya kabiratun min al-kaba'ir. Donc certes, la communauté musulmane, donc les savants, sont unanimes pour dire que la médisance est interdite et elle fait partie des grands péchés. قال القرطبي رحمه الله لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. Donc même le Qurtubi dit, رحمه الله عليه, il n'y a pas de divergence pour dire que la médisance fait partie des grands péchés. Et celui qui médit contre quelqu'un, il doit obligatoirement se repentir à Allah Azza wa Jal. وَنَهَانَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلْ عَنِ الْغِيبَةِ لَمَّا قَالْ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Et certes, notre Seigneur Azza wa Jal nous a interdit de commettre cet acte de médisance. Et Allah Azza wa Jal dit, donc dans Surat al-Hujurat, et on a vu le verset donc auparavant, lorsqu'il dit Azza wa Jal, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez l'horreur. وقال ابن عباس مفسرا الآية إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل الميت حرام مستقذر وكذا حرام في الدين قبيح في النفوس. Donc Ibn Abbas dit, en expliquant ce verset, certes Allah Azza wa Jal a donné un exemple, il a donné en parabole l'exemple de la médisance avec le fait de manger du mort, de manger du mort. Et on voit que cela est quoi? Est interdit et répugnant. Cela est interdit et répugnant. Et c'est comme ça. Donc la médisance est interdite dans la religion et répugnante dans l'effort intérieur. Wa qala alayhi salatu wassalam wa anna arba riba irdu rajuli al-muslim. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'intérêt qui sera le plus fort, le plus grand intérêt, est quoi? Est l'honneur de l'homme musulman. Enam. Donc le pire des intérêts, c'est-à-dire le plus grand, le pire des intérêts commis, c'est l'honneur du musulman. فَكُلُ هَدِي الْأَدِلَّ دَلَّةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبِيرَةِ وَيَسْتَحِقُ الْعِقَابِ. فقال أنس لمن فعله يستحق العقاب. فقال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أعرج بي مررت بقوم لهم أثفار من النحاس يخمشون أجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث رواه أحمد وهو الصحيح. Donc bien sûr, toutes ces preuves qu'on a vues auparavant montrent que le riba est interdite, que la médisance est interdite et qu'elle fait partie des grands péchés. Et celui qui le commet mérite un châtiment. Et Anas, radhiallahu anhu, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque on m'a élevé, lorsqu'on a monté en moi, fait le mi'raj, lorsqu'il a été donc à l'ascension, au moment de l'ascension, lorsqu'il est monté dans les cieux, donc il est passé à côté de peuples, des gens, qui ont quoi? Des ongles, de cuivre, et se grivent les visages et les poitrines. Donc imaginez-vous le châtiment, des ongles de cuivre, on s'arrache les visages et les poitrines. Et j'ai dit, qui sont ces gens, au Djibril? Il a dit, ceux qui mangent la viande des gens et qu'ils parlent sur leur honneur. Wayaqa'oul, c'est-à-dire ils parlent ou donc ils parlent sur l'honneur de ces gens-là. Et ce hadith est authentique, il est rapporté par l'imam Ahmed, il est authentique. Wal'iqabu la yartassu bil'akhira bel hatta fid dunya. Faqala al-bara radhiallahu anhu khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta asma'a al-awatiqa في بيوتهن فقال يا معشر من آمن بلسان من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عثرتهم فمن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. والحديث حسن. الحديث il est jugé bon. Donc le châtiment n'est pas que dans l'au-delà, il est aussi dans la vie d'ici-bas. Car al-bara Ibn Azib, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, donc dans une khutba, il nous a exhorté, jusqu'à ce que les jeunes filles l'entendaient dans leur maison. Jusqu'à ce que les jeunes filles entendaient dans les maisons qui étaient bien sûr aux alentours. Et il dit au peuple, ou bien aux gens de ceux qui croient, de ceux qui ont cru avec leur langue, mais ne croient pas avec leur cœur. Ne méditez pas les musulmans et ne suivez pas hein, c'est-à-dire leur vie, leur malheur, hein, et leur, c'est-à-dire ce qui leur arrive. Ne suivez pas ce qui leur arrive comme histoire, leurs histoires ou leur vie. Car celui dont Allah va suivre sa aura, hein, c'est-à-dire ce qui est caché en lui, il va lui montrer, hein, il va quoi? Il va le dénigrer, il va le montrer en public, Allah va montrer, c'est-à-dire tes défauts en public, même si tu es, hein, en plein cœur de ta demeure, même si tu es en plein cœur de ta demeure. Et le hadith est hassan. Donc regardez Allah déjà là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa lam yu'min bi qalbihi » et ne croit pas avec son cœur. Donc déjà il n'est pas mu'min comme il le faut. Hein, il croit qu'avec la bouche, mais pas avec le cœur. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne-là n'est pas un véritable croyant. Naam. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui amène les gens à faire cela? On appelle ça « dawafi ». Hein? Pourquoi? « Wal asbab ». Donc, « l'asbab » ou « dawafi » kathira chun jiddan. Pourquoi les gens sont amenés à faire cela? Bien sûr, en vérité, il y a de nombreuses raisons. Et parmi les raisons, bien sûr, c'est le djahl. Hein, l'ignorance déjà, que cela est interdit. On va commencer par ça. Aussi, il y a des raisons extérieures. Hein, la jalousie, vouloir se venger, hein, il a khiri. Mais là, on va parler de certaines raisons qui font partie de la langue. Là, je suis resté avec les raisons qui ont un rapport avec la langue en elle-même, c'est-à-dire avec la parole de l'homme. Donc, min al-asbab allati tu'addi ila al-ghiba al-mira. Hein, la dispute al-mira, aimer en vérité discuter avec les gens, aimer rentrer dans les conjectives. Donc, l'al-mira, hein, en fin de compte, on peut l'appeler la dispute s'il le faut. Qala Luqman l'ibnihi bi isnadin hasan, ay bunayya la ta'allam al-ilma tubahi al-ulama wa tumariya bihi sufaha wa tura'iya fil majalis. Donc Luqman dit à son fils, ô fils, n'apprends pas la science, hein, afin de te confronter aux savants, ou bien de critiquer plutôt, hein, ces savants, et aussi de disputer, de dénigrer, hein, les gens qui sont bêtes, dans le sens où les gens qui n'ont pas de science spécifiquement, ou le fait de te faire remarquer, toura'i, le fait de te faire voir dans les assises. Wa qala Abdullah ibn Sa'ib, كنت شريكا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدمت المدينة قال لي أتعرفني؟ قلت نعم كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. Donc Abdullah ibn Sa'ib dit j'étais associé avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Hein? Donc à l'époque de Jahiliya, avant le début de la révélation. Lorsque je suis venu à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Me connais-tu ?» Il dit « Oui, tu étais mon associé. Et quel bel, hein, et quel bel associé étais-tu, hein? Donc tu n'étais pas quelqu'un qui brossait, si on peut dire ça comme ça, et tu n'étais pas quelqu'un qui... » Hein, donc c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà été doté de bonnes qualités. Le prophète n'avait pas justement cette mauvaise qualité du mira. Et par rapport à ce qu'on a dit auparavant, lorsque Luqman dit à son fils, hein, Tubahi le ulama, hein, c'est-à-dire le fait de concurrencer, le fait de vouloir faire face aux savants. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas en contradiction, hein, lorsqu'il a dit la tudari, ay la tukhalif. C'est pas quelqu'un qui était. Il était simple, il était souple. Le prophète était souple. Donc il n'aimait pas dénigrer ou bien tout le temps être en contradiction, refuser. Juste comme ça. Hatta inna nafsa tamilu wa tuhibbu man la yumari wa ta'ammal ma qila li Maymun ibn Mihran ma laka la tufariku akhun laka an qilla. Qal inni la نعم إني لا أشاربه ولا أماره والقلة البغض. Donc on a dit à Maymoun ibn Mihran, pourquoi tu ne te sépares pas de ton frère, hein? C'est-à-dire par haine. Pourquoi tu es tout le temps avec lui? Ça veut dire que tu ne te sépares pas de ton frère, parce qu'on voit que tu n'as pas de haine envers lui. Il dit justement parce que il ne croit, il n'est pas en dispute avec, il ne se dispute pas avec, ils n'ont pas de mira, ils n'ont pas cette discussion qui va amener à la dispute. وَمِنَ الْأَسْبَبِ أَلَّتِي تُؤَدِّي الْغِيبَ التَّقَهُرُ فِي الْكَلَامِ. Et parmi aussi les causes qui amènent au riba, c'est le fait de parler de la gorge. La personne qui va un peu se vanter, qui veut se faire remarquer, qui va commencer à parler, il va commencer à se faire remarquer. On appelle ça taqahur fil kalam. Et ça, c'était quelque chose de détestable. Et on dit que ces gens-là étaient amenés à quoi? À aimer le riba. Taqahur fil kalam, فهنا جاء عمر بن سعد إلى سعد يسأله حاجة فتكلم بين يدي حاجته بكلام فقال له سعد رضي الله عنه ما كنت من حاجتك أبعد منك اليوم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم ما يتخلل البقر بألسنتها يتخللون الذين ويتخللون بمعنى الذي يتشدق في الكلام. Donc regardez, Omar ibn Sa'd va voir Sa'd et lui pose une question sur un sujet. Et Sa'd, bien sûr, lui répond d'une certaine façon. Donc Sa'd, Donc Sa'd lui a répondu. Omar ibn Sa'd est venu voir Sa'd. Et Sa'd, lorsqu'il lui a répondu, et après il lui dit, donc par rapport à ton sujet, donc par rapport à ton besoin, je ne t'ai jamais vu dans ton besoin plus loin que cela, c'est-à-dire en vérité plus loin, bien sûr, de la vérité ou bien plus loin du bon comportement. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il viendra aux gens une époque qui vont bien sûr, c'est-à-dire parler d'une certaine façon, donc ils vont avoir une certaine éloquence, qu'ils vont parler avec leur bouche, donc ils vont commencer à remuer leur bouche, comme la vache remue sa langue. Donc imaginez-vous quelqu'un qui parle et qui fait exprès un peu de remuer la langue comme ça, bien sûr, pour vouloir un petit peu se montrer la khiri. Donc bien sûr, ça c'est une sifa qui est mauvaise et qui ramène à quoi? Au riba. Donc il dit, c'est ceux, bien sûr, ceux qui parlent comme ça. وَيُفَخِّمُ بِهِ لِسَانُهُ يُفَخِّمُ بِهِ مَدَا لِسَانَهُ. Et il va faire quoi? Il va gonfler sa langue. Il va gonfler. يُفَخِّمُ. Donc il va élever la voix. وَيَلُفُّهُ كَمَا تَلُفُّ الْبَقَرَ الْكَلَى بِلِسَانِهَا لَفًا. Et il va bien sûr tourner sa langue de la même façon que la tourne la vache. Le hadith est, donc ce texte est Hassan. وَمَنْ تَأَمَّلَ تَثَمَرَّتْ. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. N'est-ce pas qu'on périt ceux qui exagèrent trois fois de suite? الْمُتَنَطِّعُونَ هُمْ الْمُتَعَمِّقُونَ. Donc ceux, bien sûr, qui poussent. Ceux qui poussent loin la chose, ceux qui exagèrent. Et aussi, al-mutakallimun bi-aqsa huluqihim. Et ceux qui parlent du fond de leur gorge, afin de se faire remarquer. Wa min al-asbab, donc là je parle par rapport aux asbab qui sont directement liés à la langue. Parce qu'on a vu qu'il y avait des autres asbab, des autres causes, qui sont des fois la haine, la jalousie, la khiri. Wa yakulu sallallahu alayhi wa sallam, kazalik, min al-asbab al-khusumat. Donc les disputes. Donc on voit que c'est une différence avec le mira. Là c'est le khusumat. C'est justement les disputes. والمخاصمة الجدال على الباطل. الجدال على الباطل. Le fait de discuter avec quelqu'un sur un sujet dans le vide, dans les choses qui sont vaines et qui sont fausses. وطلب المغالبة. وطلب المغالبة. Donc vouloir en plus gagner. Donc c'est discuter pour vouloir gagner. والخصومة المنازعة. وينزع أي يقلع ويقف وينتهي. الخصومة c'est aussi une منازعة. Donc منازعة, lorsqu'il y a نزاع. Lorsqu'il y a une divergence ou lorsqu'il y a une dispute quelconque avec des personnes, on appelle ça aussi une nizah. Une nizah, c'est le fait de nazaracher, c'est le fait d'enlever la chose. En fin de compte, de vouloir terminer dans le sens où c'est moi seul qui a raison, après c'est tout. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam min hadith Aisha radhiallahu anha, yakulu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, inna abghad al-rijali ila Allah azza wa jal al-aladdu al-khasm. Al-aladdu al-khasim. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime Afwan, donc la personne la plus détestée parmi les hommes auprès d'Allah Azzawajal, donc parmi les hommes qui sont les plus détestés auprès d'Allah Azzawajal, donc celui qui a quoi? Qui se dispute beaucoup. Allah d'autres Khissam. Allah d'autres Khissam. Donc celui qui se dispute beaucoup. Hein, il est beaucoup dans les disputes. Et bien sûr, le sanad, il est sahih. Donc cette version est authentique. Ce hadith est authentique. وكذلك هذا يسبب تنقل في الدين وتجاوز في الضلالات. Et bien sûr, cette chose-là va quoi? Va faire sortir les gens de la religion. Il y aura ce qu'on appelle tanakul fi din, hein, le fait que les gens vont s'éloigner de la religion, ils vont changer en fin de compte de secte, hein, secte, ils vont s'y exagérer dans tout ce qui est perdition et égarement. Et Omar ibn Abdel Aziz dit par rapport à cela: Man ja'ala dinahu 'aradan lil khusumat akthara tanakul. Et Omar ibn Abdel Aziz dit par rapport à cela: donc celui qui prend sa religion, hein, comme excuse, discuter avec les gens, donc va quoi? Va augmenter ou va multiplier les déplacements. Et les déplacements, ça veut dire de quoi? Bien sûr, d'égarement en égarement. Et bien sûr, on sait qu'il y a des esbeb, alhamdoulilah. Donc, comme on voit, elles sont nombreuses. Donc, les esbeb, les causes, na'am, sont nombreuses. Et on voit aussi que les salaf, radiallahu anhum, ont bien sûr détesté cela. Et on va voir aussi comment les salaf, radiallahu alayhim, étaient, hein, dans ce domaine. Donc, تحذيرهم من الغيبة. Donc, le fait qu'ils préviennent contre le riba et comment ils agissaient face au riba. فيقول عمر بن العاص رضي الله عنه لما مر على برلين ميت والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا خير من أن يأكل من لحم أخيه. Donc, regardez, عمر بن العاص رضي الله عنه passe à côté d'une mule morte et il dit par Allah, si la personne mange, si l'un d'entre vous mange, donc cette bête morte, est meilleur pour lui que de manger la viande de son frère. Enam. Alors imaginez-vous le dégoût. Imaginez-vous le dégoût de manger, hein, la viande d'une bête qui est là, comme ça, morte, donc une charogne. Hein, et il dit que cela est meilleur que le fait de manger la viande de son frère. وقال أبو هريرة رضي الله عنه بسند جيد من أكل لحم أخيه في الدنيا قلب لحمه في الآخرة كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويضج ويكله. Donc il dit Abu Huraira radhiyallahu anhu, donc il dit, donc par rapport au riba, il dit que celui qui mange la viande de son frère dans la vie d'ici-bas, on va lui rapprocher donc de la viande de son frère, hein, fil akhira, dans l'au-delà, et on lui dit mange comme tu l'as mangé vivant. Et il va le manger, il va crier, il va l'avaler. Donc vous voyez un peu le dégoût. Et comme il dit Cheikh Mohamed rahmatullah alayhi, donc adalayus tabad. Et ça, ce n'est pas loin. Donc ce n'est pas loin de cela. Parce qu'il dit bien qu'il est adalayus tabad, comme quand il va le manger. Comme pour que cela est fort possible. C'est-à-dire que cela est fort possible que cela arrive. Kadhalika, regardez les savants aussi se pré, hein, donc ils se prémunaient, ils se protégeaient du riba. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui touche tout le monde. C'est une maladie qui touche tout le monde parce que tout le monde a une langue. Tous ceux qui parlent donc peuvent tomber dans le piège, hein, de justement du riba. Ils peuvent tomber dans le piège de quoi? Du riba. Donc il dit Wahb ibn Munabbih rahmatullah alayhi, nazartu. Donc il dit Wahb rahmatullah alayhi, nazartu kullama ikhtabtu insana an asuma yawman. Donc il dit, j'ai fait le vœu que à chaque fois que je parlerai sur quelqu'un, à chaque fois que je vais médire quelqu'un sur quelqu'un, je jeûnerai un jour. Hein? فأجهدني فكنت أختاب وأصوم. Donc il faisait, donc c'était un effort qu'il faisait contre lui-même. Et cet effort était dur. Donc il parlait sur quelqu'un et après il jeûnait. فنويتو أني كلما أختبت إنسانا أن أتصدق بدرهم. Et il dit après, donc j'ai eu l'intention que à chaque fois que je parlerai, je médirai sur quelqu'un, sur une personne, je vais offrir أتصدق, hein, donc je vais donner un dinar en aumône. Un dirham, enfin, je vais donner un dirham en aumône. فَمِنْ حُبِّ الدَّرَاهِمْ تَرَكْتُ الْغِيبَ. Là, ce qu'il dit à la suite. Regardez ce qu'il dit à la suite, subhanallah. Il dit par la suite, et par mon amour des dirham, de l'argent, hein, j'ai arrêté de faire du riba. Énorme. Regardez, pour montrer que c'est quelque chose qui peut toucher chacun. Donc là, on parle, c'est bien Wahab ibn Munabbih, rahmatullah alayhi, qui parle. Donc ce n'est pas n'importe qui, un grand savant, donc un salaf parmi les salafs, quelqu'un d'important. Regardez, donc ce qu'il fait, il fait mujahadat al-nafs. Hein? Donc qu'est-ce qu'il fait? Afin de ne pas tomber dans cela, il s'efforce Et il s'efforce en plus, il fait même un vœu, justement afin de ne pas tomber dans ce piège-là. وقال سفيان بن الحسين كنت جالسا عند إياس ابن معاوية فمر برجل فنلت منه فقال اسكت ثم قال لي سفيان هل غزوت مع الروم قلت لا قال غزوت مع الترك قلت لا قال سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم قال فما عدت إلى ذلك بعد. Donc regardez comment aussi, bien sûr, les salafs arrêtaient cela. Ils ne laissaient pas faire. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ne laissaient pas faire. Donc Sofyan ibn Hussein donc, dit qu'il était avec, il était assis chez Iyas ibn Muawiya. Donc un homme est venu et j'ai parlé sur lui. Donc j'ai parlé contre cet homme-là. Enfin, niltu minhu. J'ai médit contre cet homme-là. Et il m'a dit, tais-toi, uskut. Voilà la vraie image. Voilà la vérité comment on doit être. Uskut, tais-toi. Sofyan, et puis Sofyan m'a dit, est-ce que tu as combattu contre les Romains? J'ai dit non. Est-ce que tu as combattu contre les Turcs? J'ai dit non. Il dit, les Turcs, donc les Romains ont été saints, ont été saufs de toi. Les Turcs ont été saufs de toi, donc ils ont été saints et saufs de toi, parce que tu ne les as pas combattus. Mais le musulman n'est pas saint et sauf de toi. C'est-à-dire ton frère musulman n'est pas saint de toi, n'est de toi. Et il dit, je n'ai plus jamais recommencé après cela. Et là aussi, on voit quoi? On voit juste après une tawbah nasuha. On voit une vraie tawbah. Parce que la personne ne recommence plus. Nadam, il regrette, il comprend. C'est ça, subhanallah. Les gens que j'aime bien à l'origine, les gens que je suis censé défendre, les gens que je suis censé aimer, et pourtant c'est sur eux que je parle. Naam. Donc regardez. Fama uttu ila zalika ba'd. J'ai arrêté après cela. Donc on voit rahmatullah alayhi, Sofyan, qui, regardez comment, il le laisse pas. Il l'arrête, il le dénigre tout de suite. Donc pour plusieurs raisons, il le dénigre. Donc déjà pour la raison que cet acte est répugnant, comme on l'a vu auparavant, que c'est un grand péché, et que celui qui fait ça, bien sûr, paye. Et aussi pourquoi? Parce que pour qu'il ne soit pas complice de lui. Non. Parce que celui qui écoute le riba, qu'il ne croit pas qu'il n'aura rien, il est shalik. Il est quoi? Il est associé dans ce grand péché. Il est associé dans le grand péché parce qu'il a écouté. Et naam. Donc, bien sûr, afin de se prémunir contre cela, les salafs aussi revenaient et demandaient aux gens de faire le contraire. Ils demandaient aux gens de faire ce qui est contraire à cela. C'est pour ça que Yahya ibn Mu'ad, كان يقول لهم حتى لا ينشر الشر ويبقى الغيبة بين المسلمين حتى لا ينشر الشر ولا الغيبة بين المسلمين فيقول ليكون حظ المؤمن منك ثلاثا إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه. Donc il dit معاوية عفوا يحيى بن معاذ, afin que le mal ne se propage pas et ni la médisance entre les musulmans, il dit, il faut que le musulman envers le musulman ait trois choses. Il faut que le musulman ait une part envers le musulman. Trois choses. C'est que premièrement, que si tu ne lui es pas profitable, alors ne lui cause pas de tort. Si tu ne lui es pas profitable, ne lui cause pas de tort. Si tu ne le rends pas heureux, ne l'afflige pas. Et si tu ne le loues pas, c'est-à-dire que si tu ne dis pas du bien de lui, ne le critique pas. Et là, on voit justement l'interdiction du riba à l'intérieur, dans à la fin de la parole de Yahya ibn Mu'ad, rahmallah. ومن صفاتها القبيحة أن الشخص المغتاب قد يرى نفسه أفضل من غيره وقد قيل لربيع ابن خثيم. Aussi parmi donc les caractéristiques qui sont répugnants de cet acte, qui est la médisance, c'est que la personne qui se lève croit qu'elle croit aussi quelque d'autre. Et on a dit à Khoutem, ma nara ta'ibu ahadan. Et Dieu, on ne te voit pas critiquer aucun, dénigrer, madrir, aucune personne. Taqal, lastu an nefsi radian, fa atafarar, les amines. Donc il dit, je ne m'agrée pas moi-même, parce qu'il considère qu'il a des défauts. Alors je vais passer mon temps, c'est-à-dire je vais occuper mon temps à critiquer les gens, Donc je vais passer mon temps, c'est-à-dire je vais être libre de mon temps afin de critiquer les gens. Il dit, moi déjà j'ai plein de défauts. Comment je vais faire pour commencer à critiquer les gens alors que moi-même déjà ça ne va pas? وانظر إلى مقابلة السوء بالحسن لما قيل للحسن رضي الله عنه. Regardez et réfléchissez aussi sur comment la personne accepte et comment fait face, la personne va faire face au mal en commettant un bien. Lorsqu'on a dit à Hassan رضي الله عنه, إن فلانا اختابك فأهدى إليه طبقا من الرطب. Donc on a dit à Hassan رضي الله عنه, certes, un tel a médit sur toi. Et Hassan رضي الله عنه lui a offert, il lui a donné comme présent une assiette ou un plat de rotab, des dattes qui sont fraîches, de dattes fraîches. فأتاه رجل فقال له أختبتك فهديت إلي. Il dit, je t'ai critiqué, donc j'ai médit sur toi et tu m'offres un présent. قال الحسن أهدت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك. Donc il dit, الحسن, donc je t'ai donné ce présent parce que, donc il dit, الحسن dit, tu m'as offert tes hasanat, donc je te récompense par cela, je te rends la récompense. Il dit, tu m'as offert tes hasanat, regardez-là. Il dit, hadatta ilayya hasanatik, tu m'as donné de tes hasanat, donc j'ai voulu te récompenser pour cela. Et quelque part, on peut comprendre que ça c'est énorme, il l'élège, parce que ça va faire réfléchir à l'autre. Je lui dis du mal, il me fait du bien. Mais sûr, il le fait peur. Alors on comprend que le Hassan, radiallahu anhu, qad, il va peut-être lui pardonner Yom al-Qiyamah. Mais au minimum, on peut comprendre que même s'il ne lui pardonne pas, au minimum, on va dire que si ça ne se peut plus qu'il lui pardonnerait, Inch'Allah, c'est qu'au minimum, il le fait peur. Ça, c'est le minimum. Fidounia, déjà, il le fait peur. Regarde ce que tu me dois. En parlant sur moi, tu me dois déjà. Tu me dois des Hassanettes. Donc c'est contradictoire. Tu ne m'aimes pas dans la vie d'ici-bas. Un euro, tu ne me le donnerais pas. Un service, tu ne me le rendrais pas. Mais pour toi, tu me donnes ce qu'il y a de mieux. Tu me donnes tes hasanat. Donc il y a un problème. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Tu m'aimes, tu me donnes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'aimes pas, tu me m'aideras dans aucun domaine, et pourtant tu me donnes quand même de ce qui est meilleur, les hasanat. Vous voyez un petit peu, ce prendre là, le danger de cela. C'est le fait que les hasanat vont disparaître. Est-ce que les hasanat vont être diminuées, voire disparaître de la personne qui s'amuse à faire cela. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله لو كنت مختابا احدا لاختبت والدي لانهما حق بحسناتي. Donc regardez ce qu'il dit عبد الله بن المبارك, il dit رحمه الله, parmi les plus grands savants, lorsqu'on parle de عبد الله بن المبارك, on dit que lui, même s'il savait quand est-ce qu'il mourrait, ça changerait rien à sa situation, tellement il fait tout de la meilleure façon, tellement toutes ses adorations elles sont de la meilleure façon. Lorsqu'on voit عبد الله بن المبارك, on sait qu'on parle de quelqu'un qui est doté de beaucoup de qualités, rahmatullah alayhi. Il dit que si je devais commettre la médisance envers quelqu'un, si je devais être médisant envers quelqu'un, j'aurais été médisant envers mes parents, parce que c'est eux qui méritent le plus de prendre les hasanat. Naam. Amal ilaj min riba huwa. Donc maintenant il y a aussi un ilaj. Donc il y a aussi, donc, une guérison dans cette médisance. Comment on va soigner cette médisance? Donc on va la soigner, huwa an yatadhakkara ash-shakhs bi an al-muqtab mutaarridun li sakhatillah 'azza wa jalla. Et n'am. Wa maqtihi wa 'iqabihi. Donc la personne elle doit réfléchir à ça, c'est important, afin de pouvoir soigner. C'est des grands traits. Là on va donner le guet de cette médisance, et que réfléchissent bien que quoi, que celui qui parle, qui médit, à quoi mérite, à quoi il mérite la colère d'Allah Azza wa Jal, et bien sûr et son châtiment. Il mérite la colère, et aussi que Allah Azza va le détester. Walmart, c'est le plus haut degré de la haine, de fait de tout ce qu'il déteste, tout ce qu'Allah Azza déteste. Walmart, c'est ce qu'il y a de pire. Walaiqab, et bien sûr le châtiment. Châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et aussi la personne réfléchit à ça, ça c'est important aussi. Anna hasanatihi tanqulu ila man irtabahu. Hein, c'est que les bonnes actions, les hasanat, les points là, ils vont partir. Hein, ils vont changer d'endroit. Ils vont partir chez qui? Chez celui qui a subi cette médisance. Wa in lam yakun lahu hasanat nuqila ilayhi min sayyi'at. Min sayyi'ati khasmihi fa man tadhakkara dhalika lam yutliq lisanahu bighiba. Et celui qui n'a pas de hasanat, donc c'est les péchés de la personne, celui qui n'a pas de bonnes actions, hein, c'est la personne envers qui, hein, si la personne n'a plus de hasanat, imaginez la personne qui parle n'a pas de hasanat, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les péchés de la personne qui a subi cette injustice, hein, qui vont venir chez lui. Non. Donc celui qui réfléchit à cela perd de hasanat et gain de sayyi'at. La personne, bien sûr, réfléchit à ce moment-là, n'a plus envie de le faire. وينبغي للمغتاب أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها ويستحي أن يعيب وهو معاب. Il faut nécessairement que celui qui parle, celui qui médit, donc il doit réfléchir sur ses péchés, ses défauts en lui-même. On doit penser à nos défauts. On sait bien qu'on est rempli, on est rempli de défauts. Là, on en a beaucoup. Donc on pense à nous d'abord. À nos défauts. Comment on va se soigner de nos défauts déjà, premièrement? On pense à nos défauts. Et on s'occupe de quoi? De guérir, hein, et d'arranger tous ces défauts-là. Et on doit avoir honte de critiquer alors que nous-mêmes on est critiqués. Dans le sens où nous-mêmes, hein, on va dénigrer des gens alors que nous-mêmes à l'origine, on se dénigre nous-mêmes. Hein, on est mouab, on a beaucoup de ruyoub, on a beaucoup de défauts en nous. Alors comment on va parler de quelqu'un qui a des défauts alors que nous-mêmes on en a? كذلك parmi les, donc parmi toujours les ilages, hein, c'est in lam yakun al-aib al-murtab fi dhati nafsihi falyahmidillah wa yashkuruh, hein, wa la yulawithanna nafsahu bi a'dham al-uyub. Et si la personne n'a pas, en plus la personne, hein, qui subit, c'est-à-dire cette injustice de la médisance, va retenir pas doté de ces péchés-là, ou bien de ces défauts, hein, de ces ruyoub. Donc il faut remercier Allah Azza wa Jal. Il faut remercier, alhamdoulilah, tout va bien chez mon frère. Hein. Il faut remercier Allah Azza wa Jal que tout va bien chez mon frère, que tout va bien chez ma soeur, et aussi donc louer Allah Azza wa Jal et le remercier, et ne pas le salir, hein, c'est-à-dire alors qu'avec les pires défauts. Le critiquer, ne pas le salir avec les pires défauts. وأن يتذكر وهو يغتاب أنه كما يأكل لحم أخيه المسلم. Il doit réfléchir aussi que lorsqu'il parle sur quelqu'un et qu'il médite sur quelqu'un, c'est comme s'il était en train de manger de sa viande chère, hein, donc de sa chair afouane morte, hein, afouane, donc de sa chair qui est morte, de la chair bien sûr de son frère musulman. ولا بد من إسكات المغتاب وعدم تركه ويقول لا يعني ما بد له. فيجب رد على المسلم عن غيبته. Il faut le faire taire. La boude, c'est une obligation, on le fait taire. Hein, donc celui qui parle, on lui dit tais-toi. Hein, on lui dit tais-toi. Et on ne laisse pas continuer dans ce camp. On l'arrête. Et si des fois on n'arrive pas à dire tais-toi, mais on peut dire oustour. On peut utiliser d'autres mots. Hein, cache les défauts de ton frère. Pour plus faire un séra sur place, cache des défauts de ton frère. Tu sais bien que j'aime pas que tu parles de ça. Enfin, toi, parce que quand tu dis que j'aime pas, dans le sens que t'aimes pas Sharan, t'aimes pas ça devant l'islam. C'est pas que t'aimes pas, un point c'est tout. T'aimes pas ça, bien sûr, avec la niya, que c'est pour Allah que t'aimes pas ça. Parce que tu n'aimes pas ça en religion. Donc tu peux lui parler d'une autre façon, sans lui dire au scout si tu n'arrives pas à dire tais-toi, si tu considères que c'est fort. Donc tu peux lui dire ostour, cache-le, cache ses défauts. Alors il va cacher les tiens, il manque un mot. Tu le rappelles de cette façon, d'une façon qui est douce, pour pas que la personne des fois soit vexée. Parce que des fois on voit qu'on est loin d'accepter les nasiha. Donc c'est pour ça qu'il faut aller des fois d'une façon qui est un peu doucement. Il faut voir qui est en face de nous aussi. تذكر الآيات والأحاديث الواردة في الغيبة وحبس اللسان عنها. Se souvenir, hein, des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent donc la médisance, et retenir sa langue de cela. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, connaissez-vous qui est l'indigent, ils dirent l'indigent parmi nous est celui qui n'a pas de dirham, donc qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de bien. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Donc l'indigent de ma communauté est celui qui va venir le jour dernier avec, avec des prières, des jeûnes et de la zakat. ويأتي وقد شتم هذا. Il va venir alors qu'il a insulté un tel. وكذف هذا. Il a parlé sur un tel. Hein, c'est-à-dire il a dit par exemple un tel a fait zina, un tel al kath. Hein, comme on dit, le fait de parler sur quelqu'un, dans quel que soit bien sûr comme péché. Et il a mangé du bien ou bien de l'argent d'un tel. Et il a fait couler le sang d'un tel, hein, de celui-là. Et il a frappé celui-là. Et il va donner donc le résultat, regardez le résultat. Donc regardez ce qu'il fait dans la vie d'ici-bas, et regardez le résultat, fait l'akhira. Et il va donner à celui-là de ses hasanat, de ses bonnes actions. Wahada li hasanati, et l'autre aussi de ses bonnes actions. Et lorsque fa'in faniyat hasanat qabl an yaqdi ma alayhi akhadha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Le hadith rawahu Muslim. Il dit une fois que ses péchés, que ses hasanat ont été une fois qu'il n'a plus de hasanat, quoi, une fois qu'il n'aura plus de hasanat, avant que ces histoires ne soient terminées, hein, il lui reste encore des comptes. Il lui reste encore des comptes. Il va prendre donc des péchés des autres, on va lui jeter les péchés des autres, et après on va le jeter en enfer. Donc écoutez bien, on va le jeter où ? En enfer. Donc voilà le résultat. Le résultat c'est quoi ? C'est Nar, Nar, Nar, Naam. Donc voilà un petit peu comment la personne doit justement essayer de réfléchir par rapport à cela, le fait de voir l'ilège, donc le fait de mettre cela devant ses yeux. La personne met ça devant ses yeux. Donc je sais que c'est grave, je sais qu'il y a des péchés, je sais que je peux rentrer en enfer. Je sais que je fais du mal, je divise la communauté, je fais du mal aux gens. Donc c'est pas, c'est un amel kabir, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit les salafs, Maintenant, on va voir Bayanu Mayubah min al-Ghiba. On va montrer et éclaircir ce qui est pire parmi la médisance. Donc, le Riba, elle est interdite. Mais il y a des cas et des situations où il est permis. Tubah al-Ghiba sahihin shar'i. La yumkinu al-usul ilayhi illa biha. Wa hiya sittatun. Sittatun asbab. Donc, il est permis de faire de la médisance pour une cause véridique, reconnue dans la législation musulmane, et qu'il n'est pas permis, il n'est pas possible d'arriver à ce but que par ce moyen-là. On doit arriver à un but, mais que par ce moyen-là. Il y en a 6 des causes. Donc, comme bien sûr, donc même Nawawi l'ont rappelé. Qathu laysa biribbatin fi sittatin mutaghallimin wa mu'arrafin wa muzhirin fisqan wa mustaftin. Donc le qatr, c'est-à-dire le fait de médire, la médisance, le fait de parler sur quelqu'un, ne fait pas partie, n'est pas considéré comme de la médisance dans 6 cas. Donc celui qui a su une injustice, ou afin de connaître quelqu'un, afin de reconnaître quelqu'un, ou afin de prévenir contre quelqu'un, ou celui qui montre, celui qui commet de grands péchés en public, c'est un zahar bil ma'asi, bil fisq, mustaftin, lorsqu'on demande une fatwa, ou celui qui demande de l'aide afin de pouvoir faire disparaître un mal. Donc, tazallum, donc lorsqu'on parle mutazallim, donc tazallum, c'est-à-dire celui qui a, qui a subi une injustice, fayajouz, lil mazloum, an yatazallama, inda sultan wal qadi. Donc, il est permis à celui qui a subi une injustice de quoi ? De demander réparation de cette injustice chez qui ? Chez le gouvernement, chez le gouverneur et chez le juge. Imaginez-vous un vol par exemple. Wa ghayrihima mimman lahu wilaya. Donc autre aussi parmi ceux qui ont, c'est-à-dire la capacité de le faire, ceux qui ont le gouvernement, ceux qui en fin de compte ont la responsabilité. Wa yaqul zalmani fulan bikada. Mislu tharik, hein. Yu'adhika miraran wa tikraran. Donc, bien sûr, comme celui qui t'a volé, ou bien le voisin qui souvent te fait du mal. Hein, celui qui souvent te fait du mal, comme celui qui était sorti, a dit toutes ses affaires. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais comme ça dans la rue, avec toutes ses affaires, il a dit, c'est mon voisin qui me fait du mal. Et c'est son voisin après qui court après lui pour dire, reviens, reviens, et je m'excuse. Que les gens allaient le maudire. Donc il ne voulait pas recevoir la malédiction des gens, parce qu'on sait que les droits du voisin sont graves. Donc il est sorti, et les gens ont compris que c'est à cause du voisin. Donc à ce moment-là, c'était permis, parce que la personne, tout le temps, elle lui faisait du mal, elle lui causait du tort. Donc on en a vu un là, on a vu le tazallum, le premier. Après, est-ce qu'on va parler de l'isti'ana ala taghyir al-munkar? Il a sawab, il fayakul liman yarjou. Ni qudratahu ala izalat al-munkar, fulan ya'mal kada, fa'arjouhu, wa yakun maqsuduhu, tawassul ila izalat al-munkar. Falam yaqsud dhalik, kana haraman. Donc, مثلاً, quelqu'un qui commet du mal. Et on sait que ce mal peut être donc arrêté que par le biais d'une tierce personne, ou du gouvernement ou pas. Une tierce personne qui est capable de pouvoir arrêter ce mal. Mais sûr, de la façon toujours charaïe. Lui dit, un tel fait ça et fait ça. Donc j'espère que, bien sûr, on va pouvoir l'en empêcher maintenant. Donc il faut que son but soit que le mal disparaisse. C'est ça le but. Et pas le but, le fait de parler contre lui. Hein, et le fait de, sinon après ça devient haram, c'est du riba, sinon c'est du riba contre lui. C'est thalith al-istifta, hein, fa yaqul al-mufti aw li ghayrihi fulana talabani bizawaj fa ma tansahu aw zawji lam yu'tini min mali min mal ma yakfi li wa li awladi mathalan, comme elle a fait mathalan, hein, fa yani comme elle a fait le, comme on a déjà vu ça c'est le auparavant, lorsque Fatima Mathalan ibn Qais, elle est venue voir le prophète Hassan, puis elle a dit que Muawiyah et Abu Jahm, khatabouha, ils l'ont demandé en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, fa'ama Muawiyah su'luq. Et su'luq bimana la mala lahu, il n'a pas d'argent. Wa ama Abu Jahm, fa'ryada asa'u an atiqi. Et Abu Jahm, donc il ne lâche pas son bâton de son épaule. Donc sur les ulama, on dit que ça veut dire qu'il voyageait beaucoup, et les autres ont dit qu'il frappait beaucoup. Mais c'est la deuxième qui passe plus. C'est la deuxième version qui passe plus, si c'est quelqu'un qui frappe. Donc à ce moment-là, on peut parler sur quelqu'un lorsqu'il s'agit d'un mariage. Lorsqu'il s'agit d'un mariage, on peut parler donc sur quelqu'un. Donc on a vu trois. Rabi', quatrième, hein, sur les six. Tahdhir al-muslimin min sharri, hein, wa nasihatihim wa dhalika min wujuh minha jarh al-majruhin. من الرواة وشهود ذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب لما فيه من إظهار المصلحة. Donc parmi aussi la médisance qui est permise, c'est de prévenir les musulmans contre un mal et de les conseiller en cela. Hein? Donc il y a bien sûr plusieurs facettes. Et parmi les facettes, c'est le jarh, le fait de quoi, de critiquer quelqu'un, le fait de parler contre quelqu'un. Les majrouhin, ceux qui ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont peut-être des menteurs. Hein, ils sont comme ça, ils sont faibles. Il y en a donc des gens qui ont été majrouhin. En ce moment, il est permis de parler contre eux, les gens de la bid'a, hein, parmi les rouat, parmi ceux qui ont, bien sûr, qui propagent, hein, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou à shuhud, et les témoins aussi. Donc cela est permis, bi ijma' al-muslimin. Donc il y a un consensus dans cela, comme quoi que c'est permis, même. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice en cela. Il y a un grand bénéfice de savoir que l'imam Bukhari a dit qu'un tel est quoi, est sûr, et un tel est faible. Donc il y a un grand bénéfice pour nous, c'est de savoir quels sont les vrais hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quels sont les faux. Wa minha al-mushawara fi musaharat al-insan aw barakatihi aw mu'amalat aw mu'amala wa yajibu ala al-mushawir an la يخفى حاله يعني بل مساويه التي فيه بالنية النصيحة. Donc le fait, lorsqu'on demande conseil à quelqu'un, le mouchawar, le demande conseil à quelqu'un par rapport à une personne, hein, parce que la personne il se pourrait qu'on soit associé dans tel ou tel commerce ou dans tel ou tel cas, on va devenir associé, et je sais que cette personne est tel ou tel qu'il connaît bien, donc je demande. cette personne demande commerce avec moi, est-ce que donc je me renseigne sur elle, est-ce qu'elle est juste, est-ce que ceci, est-ce que cela, comment il est, il est calme, hein, il est posé, il est patient, il est ceci. Donc je peux à ce moment-là demander, parce que à ce moment-là il s'agit quand même d'une maslaha, il s'agit d'un bénéfice, il s'agit de d'argent, il s'agit peut-être d'une grosse somme, donc il est permis. Il s'agit aussi de ne pas après rentrer dans une situation où je vais me diviser de mon frère parce que justement je ne me suis pas renseigné. Donc il est permis en ce moment-là. Donc il y aura une moucha, voilà, on passerait au bien désigné. La personne qui, on est déjà trois dans un commerce, il y a un quatrième qui va entrer. On s'associe, on se rejoint, je veux dire on se regroupe et on décide. On prend pas. Moi j'accepte pour telle raison, moi j'accepte pas pour telle raison. Donc à ce moment-là on a le droit. En ce qui compte, mais sur la niya, c'est la nasiha. La personne, lorsqu'elle te conseille, sa niya, c'est de te conseiller, c'est pas de le casser et de lui faire du mal. Ce n'est pas de comme on dit, de le tailler, hein, comme certains disent, et de faire du mal, de lui causer du tort. C'est pas ça le but. Al-Khamis, la cinquième raison, en yakuna mujahiran bi fisqihi ou bid'atihi ka mujahirat shab al-khamar wa tawil al-umur al-batila. Mathalan. Donc cinquièmement, c'est que la personne fasse des péchés en public. Mujahara bil ma'asi, comme quelqu'un qui buvait de l'alcool en public. Hein, ou qui fasse des choses qui sont bien sûr fausses et vaines. Fayajuzu, dhikrahu bima yujahil bihi, wa yahrumu, dhikrahu bighayrihi minal uyub, illa an yakun al-jawaz bi sabab akhar. Donc il est permis de quoi ? De le critiquer dans son péché. Mais de ne pas rajouter pour l'alcool. Ouais, mais il fait ça, et puis il fait ça, et puis il fait ça, des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Hein? Il boit l'alcool en public, mais il y a peut-être des autres défauts. Il est par exemple, il est avare, par exemple. Si on dit, il boit de l'alcool en public et il est avare, donc il boit de l'alcool en public, c'est pour toi, mais il est avare, c'est contre toi. Vous avez vu? Parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Il est avare, donc c'est contre toi. Tu lui as parlé d'un sujet qui n'était pas. Et même Ahmed, quand il parle de ça, il dit, Al-Ubla laka wa thani alayk. La première est pour toi, la deuxième est contre toi. Hein, c'est-à-dire que on ne rajoute pas. Ce n'est pas la peine de rajouter. قالت عائشة رضي الله عنها استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له فبئس ابن العاشرة. Dans une variante, فبئس ابن الرجل العاشرة. فبئس رجل العاشرة. فلما أن دخل ألان له القول فلما خرج قلنا له قلت الذي قلت ثم ألنت له القول فقال أي عائشة شر الناس منزلة عند الله جل وعز يوم القيامة من وضعه أو تركه الناس اتقاء شره. والحديث il est صحيح. Donc Aïcha رضي الله عنها dit qu'un homme a demandé audience, a demandé la permission d'entrer chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le professeur m'a dit, hein, permettez-lui de rentrer. Et il a dit, avant qu'il rentre, bien sûr, donc quel mauvais homme hein, parmi sa communauté. Quel mauvais homme de sa communauté, hein, parmi justement les gens de sa communauté. Et lorsqu'il est entré, le professeur Sam a été doux avec. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam était doux avec. Et lorsqu'il est sorti, on lui a dit, tu as dit ce que tu as dit, c'est-à-dire Bissa, hein, Bissa ibn al-Ashira. Donc il a dit, tu as dit ce que tu as dit, comme quoi que c'est quel mauvais homme. Pourtant, et puis, tu as été doux avec lui dans la parole. Il dit, ô Aïcha, les pires des hommes, c'est-à-dire l'homme qui a le plus mauvais degré, ou le plus mauvais niveau, hein, ou bien la plus mauvaise situation auprès d'Allah Azzawajal, le jour dernier, c'est celui dont les gens laissent, hein, dont les gens laissent, c'est celui que les gens laissent de peur de son mal. Afin de se prévenir contre son mal. Les gens le laissent afin de quoi ? Qu'ils se préviennent contre son mal. Pourquoi ? Parce que sa langue. Donc le mal, il est sur la langue. Il est par rapport à la langue et par rapport à la main. Donc là bien sûr. Donc c'est valable pour la langue. Et plus pour la langue, parce qu'en général, c'est plus la langue qu'on a peur des gens que de la main. Il y a plus de riba de namima hein, que de coups. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Les gens vont se préserver na'am, de son mal. Et aussi, Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, dit Laysa baynaka wa bayna al-fasiq hurma. Donc, Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, dit qu'il n'y a pas entre toi et entre le fasiq, donc celui qui fait les grands péchés, de quoi ? C'est-à-dire de hurma, en fin de compte, d'honneur. hein, ou bien des choses qui sont sacrées. Cette personne-là ne mérite pas l'honneur. Parce que c'est un fasiq, parce que ses péchés, il est fait comme ça en public. Donc le sixième et le dernier, est ta'rif. Donc le fait de connaître quelqu'un. Le fait pour reconnaître quelqu'un. Faïda kana l'insan ma'roufan bilakab, kal a'mash, wal a'raj, wal asam, jaza ta'rifuhum bidhalika. Wa yuhramu itlaquhu ini ala jihat tanaqqus. Wa amkana ta'rifuhu bighayri dhalika, la kana awla. Donc le fait de connaître quelqu'un, hein, de dire, mathain, et de décrire, mathain, de pouvoir reconnaître quelqu'un. Mais on sait que cette personne est aveugle, c'est un exemple. Il est aveugle, il est muet, hein, il est estropié, il lui manque une main. Et on le connaît comme ça. Mais si le frère qui habite telle ville, hein, il y a qu'un bras, c'est un exemple. On sait que, donc on le reconnaît que de cette façon-là. Donc on le dit. Et si on connaissait son nom, ça serait mieux de dire son nom. Et aussi, si on dit cette chose-là et que la personne accepte, parce qu'il est habitué que les gens disent que ça ne le touche pas, en ce moment-là, ça ne rentre plus dans le riba, parce que la personne a accepté. Non, mais il a accepté. Parce que là, il y a krah. Donc on sait, comme on a vu, un zikr al-akhaka, wa huwa yakrah. Il déteste. Là, il ne déteste pas, donc c'est acceptable. Et bien sûr, si on pouvait l'appeler par son prénom ou son nom, par un akab, Abu Fulen, Oum Fulen, bien sûr, ce serait meilleur. Donc il est demandé aux musulmans par rapport au riba, de quoi, en fin de compte, d'être différent, hein, de cela, et d'être, en fin de compte, le poser. On doit normalement être, on doit avoir comme comportement le comportement opposé de ce qu'on vient de lire, hein, maintenant, ensemble. Et c'est pour ça que « ala al-muslimi an yadhubba ala ird akhi » mais il est demandé aux musulmans de quoi ? De protéger, hein, l'honneur de son, hein, de son frère. Il est demandé aux musulmans de protéger l'honneur de son frère. « Wa natijatu dhalika azimatun » Et le résultat de cela est énorme. Faqala Asma bint Yazid anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man radda an 'abdi akhihi bil mariba kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yaqtiqahu min an-nar. Wa al-hadith rapporté par l'imam Ahmed et les Hassan. Donc regardez, Asma bint Yazid radhiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui rejette, hein, c'est-à-dire, en fin de compte, celui qui protège, hein, c'est-à-dire l'honneur de son frère, c'est-à-dire en ne commettant pas de médisance envers lui. Donc c'est un droit, hein, donc c'est un droit, c'est un devoir, comme quoi, pour Allah Azzel, de quoi, de le sortir du feu. Allah Azzel va le protéger du feu. Hein, c'est-à-dire, en fin de compte, la personne ne rentrera pas en enfer parce qu'il a protégé justement son frère, il a protégé l'honneur de son frère. Et dans une variante, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc c'est une riwaya, من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الحديث rapporté par l'imam Tirmidhi et il est Hassan. Donc le premier rapporté par l'imam Ahmed et le deuxième par le Tirmidhi. Donc il dit dans la deuxième version, celui qui, en fin de compte, qui protège, hein, l'honneur de son frère, Allah Azzawajal va le protéger du feu le jour du jugement dernier. Alors celui qui, en fin de compte, qui repousse le fait qu'il va parler contre son frère. Donc Allah va repousser son visage, hein, le jour du jugement dernier. Donc on a terminé pour ce qui est du riba. Hein, donc on a vu que le riba c'était un peu plus long. Et là on va parler un peu du namima. On est dans dans un namima. Qui sera un peu plus court. Hein, non. Donc namima c'est quoi? Namima tout la cou à la manienne mou. Kaula l'irrer. Il a le kaul fihi ma taqul. Yatakallam kada. Donc le namima, c'est le fait de quoi? De dire une parole d'une personne qui a dite à l'autre, hein, celui qui a subi justement cette injustice, on va dire. Donc il y a eu le murtab, celui qui a fait le riba, il a parlé sur un tel. Le namima, c'est le fait d'entendre cette parole-là et de la colporter. On va la colporter à qui? À celui qui a subi cette injustice. Donc on va dire, telle personne parle contre toi. Il a dit sur toi ceci, cela. Wa in kana hada al-qawl waqi'a, même si la parole est vraie. Wa haqiqatu an-namima ifsha as-sirr wa hidk as-sitr amma yakrah al-kashf. Amma yakrah al-kashf. Et le namima, en réalité, c'est le fait de dévoiler le secret, hein, et de retirer le rideau sur ce dont la personne déteste que cela soit dévoilé et retiré. والنميمة هي النميمة, donc elle est dans l'islam. Qu'est-ce qu'on dit dans, comment les ulama expliquent النميمة, c'est que c'est نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد وكشف الستر والهت الستر. Donc النميمة c'est le fait de propager la parole des gens les uns envers les autres afin de quoi, afin justement de, donc de faire des histoires entre eux et إفساد, donc justement de faire des histoires entre eux, et de quoi aussi de dévoiler bien sûr ce qui est caché et de retirer bien sûr le rideau. حكمه, son statut. قال الحافظ المنذري رحمه الله عليه اجمعت الامه على تحريم النميمه وانها من اعظم الذنوب. نعم عند الله عز وجل. Donc son statut, الحافظ المنذري dit que la communauté, hein, donc il y a consensus chez les savants pour dire que le namima, le colportage, est interdit et qu'elle fait, et que le namima fait partie des plus grands péchés auprès d'Allah Azza wa Jal. وقال حرمت النميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. Donc certes, cette interdiction, elle est venue pourquoi? Quelles sont les raisons de cette interdiction? Les raisons de cette interdiction, c'est que elle amène dans la communauté justement la haine et la division. Elle va amener la division, hein, elle va amener la haine et l'animosité entre les gens. Bien sûr, il y a des preuves en cela, alhamdulillah. Wal adillatu ala zalika, qala Allah ta'ala dans surat al-Qalam, hein, verset 11, il dit hammazin masha'im binamim. Donc il dit Azza wa Jal dans surat al-Qalam, verset 11, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Donc regardez, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Comment il a appelé justement ces gens-là, hein? Donc celui qui va prendre le Coran, il va voir, revenez aux versets qui sont avant, aux versets qui sont après, vous allez bien comprendre qui est la personne du namima. Donc là, vous avez la bonne explication du namima dans ces versets-là. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Monsieur ne dit pas une parole sauf qu'il y a auprès de lui un colporteur, celui qui note, hein? Et on a vu bien sûr le verset auparavant déjà. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. Donc malheur à tous ceux, à tous diffamateurs, colporteurs, diffamateurs. وقال الهمزة النمام. Le Hamaza c'est quoi? Nammam. Donc le Hamaza c'est le Nammam, celui qui colporte. Le Hadith, Nam. Qila, wa kadhalik yakula azza wa jal. Là, c'est vraiment un verset que les gens, peut-être, ne vont même pas penser que ce verset a rapport. Ham, hein, vous connaissez tous, Hammalat al-Hatab, dans le verset. Celle qui porte, hein, le bois. Nam. Qila, pourquoi ils disent ça? Ils disent Kanat, Nammamatan Hamilat al-Hadith. Et parce qu'elle comportait quoi aussi? Beaucoup de paroles. Elle comportait beaucoup de paroles et propageait les paroles. Hein? Donc le verset est connu. Ifsad al-Ben al-Nas. Afin de quoi? De diviser, de faire du mal à Kulhel entre les gens. Et de... Wasummiyat hattaban li'annaha bagd ben al-Nas hattab yanshuar wa namima من الأذى الذي يلحق المؤمنين سيدو بينهم. Donc ils disent par rapport, on sait que dans le tafsir vraiment elle portait du bois quand lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que lorsqu'il les a appelés dans le petit monticule, hein, et qu'ils sont tous venus parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un menteur pour eux, et elle avait du bois en ce moment-là. Donc le verset est bienvenu, bien sûr, avec le bois, mais il y a aussi une autre explication qui parle justement que quoi, elle faisait aussi d'une namima entre les gens. Et ils disent que, donc la comparaison qu'ils font avec le namima et le fait de qu'elle porte le bois, c'est que le namima divise et quoi, il sépare les gens, hein, hein, donc il va donc semer la discorde, hein, entre les gens, comme le bois, enfin comme le feu brûle le bois, de la même façon. Imaginez-vous le bois, les uns envers les autres, ils sont quoi? Ils sont unis. Hein, donc c'est comme si une communauté unie, sans problème. Mais une fois qu'on y met le feu, c'est-à-dire on va lui mettre le feu dans la communauté, il ne va plus rien rester. Qu'est-ce qui reste après? Il n'y a plus de bois. il va rester que des cendres. Donc ça sera une communauté qui va être existante, mais en fin de compte, hein, et donc il n'y a que des cendres dans leur cœur. Non. Parce que justement, il y aura le fasad entre les croyants. Et bien sûr, on sait que le iqal fasad entre les musulmans est interdit. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Donc il dit Azza wa Jal, ceux qui font du mal, hein, ceux qui font du mal, qui causent du tort aux croyants et aux croyantes, hein, sans raison, alors qu'elles n'ont rien fait, alors que ces gens-là n'ont rien fait, donc ils ont quoi? Ils portent en eux un grand mensonge, hein, et un péché évident. Bortan, on a vu que c'était un mensonge, Al-Kadib, Al-Ardim. Donc c'est un mensonge qui est énorme, avec un péché évident. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. حذيفة رضي الله عنه dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, n'entre pas au paradis le colporteur. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه لا يستطيع من بوله. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé à côté de deux tombes, il dit certes ils sont châtiés et ils ne sont pas châtiés pour des grandes choses, mais si ils sont châtiés pour des grandes choses, kébir, c'est-à-dire kébir, un grand péché. Quand il dit au début, ils ne sont pas châtiés pour les grandes choses, c'est-à-dire que eux ne croyaient que ce n'était pas grave. Ceux qui sont morts, ils croyaient que ce n'était pas grave pour eux. Ces onnèmes, hein, dans leur pensée, ça, ce n'était pas grave. Donc après, il dit, si, certes, c'est quelque chose de grave, de grand. Donc il y a un grand péché. À propos du premier, hein, donc il marchait entre les gens avec le colportage. Et le deuxième, bien sûr, ne se protégeait pas de son urine. ولقد حرم الله عز وجل المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس ورغب في الإصلاح وبين المسلمين فقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Alors on sait qu'Allah a quoi interdit le fait de marcher, c'est-à-dire le fait de propager, hein, et colporter, c'est-à-dire les histoires entre les gens. Parce qu'on sait que le résultat de cela, c'est l'adversité, l'animosité entre les musulmans. Alors que regardez, pourtant il a dit la vérité, oh là là. Il a dit la vérité, il a dit lui, il a dit ça sur toi. C'est vrai, il a dit. Il a dit la vérité. Et pourtant c'est haram. Et il est permis, regardez le contraire, il est permis de mentir pour arranger entre deux frères. Quelqu'un dit du mal de l'autre, l'autre il dit, ouais, j'ai entendu que lui a dit du mal de moi, tu lui dis, moi j'étais témoin, il a dit du bien de toi. Tu vas mentir. Tu vas dire, il a dit du bien de toi. Tu as menti et tu as pris les hasanat, subhanallah. Pourquoi? Parce que tu as fait islah bayna an-nas. Islah zat al-bayn. Hein, comme on l'a vu déjà, c'est islah entre deux personnes qui se, hein, qui sont en discorde. Et c'est pour ça qu'Allah a dit, et craignez Allah, hein, et arrangez entre vous. Et arrangez-vous entre vous. Hein, et quoi, en fin de compte, arrangez les problèmes que vous avez entre vous. Non. Idha ja rajulun. Hein, donc maintenant, c'est idha ja rajulun indak. Hein? Si maintenant une personne vient vers toi et qu'elle appelle et qu'elle cherche justement à propager, donc, un certain, donc elle veut colporter certaines choses, que dois-tu faire? Awalan, là ça va être fort, vous allez voir que ça va être fort, ça ne va pas rigoler. Awalan, la tusaddiqou, l'an al-nammam fasiqun, wa huwa mardoudu shahadati. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. سورة الحجرات verset 6. سورة الحجرات verset 6. Donc certes Allah عز وجل, donc certes le comment donc il ne faut pas, bien sûr, croire, hein, cette personne. Donc il ne faut pas croire, hein, cette personne, parce que cette personne est quoi? Elle est perverse. Donc c'est quoi? C'est la perversité. Hein, c'est une personne qui est perverse. Donc si quelqu'un est pervers, sachez que sa shahada, elle est mardouda. Hein, donc c'est quoi? Son témoignage est rejeté. avec un témoignage rejeté. C'est parce qu'il est rejeté. Et Allah Azzawajal dit, oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens que vous ne regrettez par la suite de ce que vous avez fait. Donc, soit le Hujurat, verset 12. C'est ça en général. C'est justement un regret d'avoir écouté des fois des gens. Pourquoi je l'ai écouté? Il m'a menti, je croyais qu'il me disait la vérité. Je croyais que là. Si quelqu'un vient, tu dis, il a dit ça sur toi, là t'es smart. Tu pars. Vous allez voir que les salafs, comment ils étaient avec cela. Vous allez voir comment les salafs étaient avec cela. Regardez ce qu'il dit, Yahya ibn Akhtham, il dit, rahmallah, un nammam, charroun, min sahir, wa ya'lamu nammam, fi sa'atin, ma la ya'lamu sahir fi bayti, fi sanatin. Ma ya'lamu sahir fi sanatin. Il dit, subhanallah, Yahya ibn Akhtham. Donc le colporteur est pire que le sorcier. Le colporteur fait en une heure ce que le sorcier ne fait pas en un an. Non, le sorcier, il faut du temps. C'est pour ça qu'il s'agisse. Il faut faire. Donc, il ne le fait pas en 5 minutes. Tandis que même en 5 minutes, tu peux diviser. Donc c'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc, c'est le pire, c'est pas rapide. Ça, c'est plus rapide. Premièrement, on ne croit pas à la personne. Là, nous sommes. عن ذلك ويقبح عليه فعله فقال تعالى يقبح عليه فعله فقال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر سورة لقمان verset 17 سورة لقمان verset 17 donc il fait dire de cela. Donc tu ne le crois pas, c'est pas juste tu laisses parler, tu ne le crois pas premièrement, deuxièmement tu lui interdis cela et tu le conseilles et tu lui montres que sa parole elle est vraiment répugnante. Et tu lui montres que cela est totalement répugnant. Car Allah le dit, ordonne le bien et interdit le mal. Surat Luqman, verset 17. Troisièmement, un yubridahu fillah ta'ala. Un yubridahu fillah ta'ala. Fa innahu mubridun ou baridun inda Allah. Wa yuhibbu wa yajibu afwan wa yajibu. Donc, il faut quoi? Troisièmement, il faut le détester pour Allah Azzawajal. Regardez. Il faut le détester pour Allah Azzawajal. Celui qui vient colporter. Ne croyez pas que c'est un ami. Celui qui le colporte, ce n'est pas un ami. D'accord? Ce n'est pas lui qui dit la vérité. C'est un ancien. C'est un shaitan. Ce n'est pas un ami. Mais vous allez voir encore pourquoi encore après. Ce n'est pas terminé. Donc, de quoi? Il faut le détester pour Allah Azzawajal. Car il est détesté auprès d'Allah Azzawajal. Il est obligatoire de quoi? De détester celui que Allah Azzawajal déteste. C'est obligé pour nous de détester celui qu'Allah Azzawajal déteste. Quatrièmement, أن لا تظن في أخيك الغائب السوء لقول الله تعالى واجتنب كثيرا من الظن وإن بعض الظن إثم. Surat al-Hujurat, verset 12. Et bien sûr, il ne faut pas croire sur ton frère, qui est absent, c'est-à-dire que celui-là, tu dis, il a dit ça sur toi. Il ne faut pas croire. Donc, il ne faut pas avoir du mauvais doute sur ton frère. Tu ne crois pas celui qui a parlé. Mais tu ne crois pas, et tu ne crois pas que celui, c'est-à-dire celui qui aurait parlé, est mauvais. Tu ne dois pas croire cela. Car, en fin de compte, douter sur ton frère. Car Allah Azzawajal dit, éviter beaucoup parmi les doutes, c'est quoi? C'est le péché. Car, en fin de compte, beaucoup de doutes sont des péchés. Sache qu'à chaque fois que tu crois que tu as raison, que lui est en train de calculer, que toi. C'est un film que tu te fais dans ta tête. Mets-toi ça dans ta tête. Parce qu'Allah Azzawajal dit que la majorité du temps, tu as tort. Et naam. Tu te crois, on se croit malin, ça là là. On va te dire c'est le chétan qui jette nous. On croit qu'il y a du calcul, que c'est du vice, on calcule dans notre tête. On croit qu'on a tout compris, on a toute l'image. Alors on calcule, il nous a dit, il y a ça. Il ne m'a pas invité parce que c'est ça, il m'a fait ça parce qu'il y a ça. On se fait des films, et en vérité, c'est des erreurs. Parce qu'Allah Azzawajal dit que la majorité du temps, c'est des erreurs. Donc si la majorité du temps c'est parce que c'est ism, mais c'est en plus des erreurs. C'est des péchés et c'est en plus des erreurs. Déjà à l'origine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de soi. Enfin, pas de rentrer dans le péché, pas rentrer aussi dans l'erreur. Ne pas croire qu'on a toujours raison. Surtout pas dans les doutes, parce que les doutes viennent de Shaitan et ne viennent pas d'une intelligence suprême qui est à l'intérieur de nous. Surtout pas ça. Donc, il dit aussi, Cinquièmement, afin de savoir quand avec celui qui fait une maladie, Anna Yahmilou Mahouki Alaka Ala Tajas Souci ou le Bath, le Tahrik, Ittiba'an, l'école Illa Azawajel, ou Ala Tajas Sassou, soit le Hujarat, verset 12. Et il ne faut pas croire que la personne qui t'a dit ça, dans le sens où, comme si c'était en fin de compte ce qu'on t'a raconté, il ne faut pas croire que la personne, notamment, la personne à quoi a été pour toi une sorte d'espionne, et que c'est bien. La personne, elle est dans ton rang, elle est dans ton camp, elle t'a aidé. Et comme quoi qu'elle est en train de te faire, elle est en quête de rechercher la vérité, elle veut te le dire, je t'aime bien alors je te préviens. Une fois, il a dit ça sur toi. C'est un exemple. Parce qu'Allah dit, voilà, t'as juste Sassou, ne vous espionnez pas. Surat al-Hujurat, verset 12. Sixièmement, أن ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ولا تحكي بنميمة فتقول فلان حكى لي كذا وكذا فتكون نماما ومغتابا وقد تكون قد أعطيت ما يعني فقط tu accèdes pour toi-même ce que tu détestes, tu as détesté, c'est-à-dire par rapport au nom même, par rapport à celui qui a colporté, lui qui a, ne propage pas aussi ce que la personne a colporté aussi. Donc parce que ça fait partie de quoi? De ceux qui ont. Et que tu vas dire, tel m'a dit ça, tel m'a dit ceci ou cela. En fin de compte, ne va pas voir la personne. Ne va pas voir la personne qui t'a dit ça. Qui a parlé d'une foule. Tu crois que tu es que l'envers. Tu crois que tu vas arranger l'affaire. Puis je vais aller voir moi sur place. Non. Ça arrive que des fois des gens font ça. Un tel parle sur toi. L'autre au téléphone tout de suite. J'appelle l'autre. Moi, tu vas dire, voilà, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas dire pour éviter les histoires. Et après l'autre, le deuxième, qui a été le nammam, il dit, voilà, Kedab, il a dit. Et regardez, il dit, non seulement ça. Alors l'autre, il sait pas que c'est un nammam, il sait pas que c'est lui le pire. C'est pire que le sorcier. Et lui, il dit, voilà, non seulement il a fait le riba, mais en plus, c'est un Kedab. Non, l'autre, il a menti pour pas rentrer dans les histoires. Il a pas voulu que ça soit corporté, malgré qu'il l'a dit. C'est-à-dire qu'il a fait erreur de l'avoir dit, il a fait un grand péché. Mais il n'est pas Saï, il n'est pas celui qui propage, donc c'est pas lui le pire. C'est le pire, c'est celui qui est au milieu. Le troisième, il veut savoir, il téléphone, l'autre il dit non, voilà, j'ai pas dit. Et le deuxième est témoin, il est à côté, il est en train d'écouter avec l'autre au téléphone, parce que le premier, il ne sait pas que le deuxième est là. Et qu'est-ce qu'il dit, l'autre il dit le deuxième, il dit voilà, c'est un Kedzeb. Pourquoi? Et en vérité, c'est lui le menteur. Voilà, c'est lui le menteur, c'est le deuxième. C'est pas le premier. Le premier, il a menti pour se protéger. Il avait le droit. Pour pas rentrer dans l'animosité, parce que peut-être, malgré qu'il a parlé sur lui, ça veut pas dire qu'il le déteste et qu'il veut qu'il soit séparé. Ça veut pas dire qu'il veut être au point où ils sont séparés. C'est vrai qu'il n'a pas été content de lui, il a fait une erreur, il a fait un grand péché, mais il ne veut pas arriver au point qu'il soit séparé. Vous comprenez? Vous avez vu le deuxième? C'est lui en vérité le dangereux. Celui qui est au milieu. Donc là, on voit que la personne ne doit pas être comme ça. Non. انظر كيف كان سلف صالح وذلك ان دخل رجل الى عمر بن عبد العزيز فذكر له عند رجل ذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر ان شئت نظرنا في امرك فان كنت كاذبا فانت من اهل هذه الايه ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا. Donc il y a un homme, regardez عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه, celui qu'on considère comme le cinquième calife, dit qu'un homme, donc on dit que un homme est entré chez Omar ibn Abdel Aziz et a critiqué, il a médit, donc il a colporté sur quelqu'un. Il a dit que voilà, telle personne a dit ça. Donc Omar ibn Abdel Aziz a dit, on va regarder toi ton cas. Omar ibn Abdel Aziz a dit, ton cas à toi, on va le regarder. Regardez comment Omar a compris. Il a compris d'où vient le mal. Il va gagner le mal là où il vient. Donc le mal, c'est pas la première personne qui a parlé. Si, c'est un mal. Mais là, c'est un plus grand mal, celui qui l'a propagé. C'est lui qu'il faut arrêter, tout de suite. Donc il dit, on va regarder ton cas. Donc si tu es un menteur, donc toi tu fais partie des gens de ce verset. Si un pervers vient vous dire quelque chose, vérifier. Donc si donc là sur le Hujurat là, ou Allah Azza wa Jalla dit bien, ou vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Donc fatabayyanu, voyez bien clair. Fatabayyanu, c'est-à-dire en vérité vérifier. Wa in kunta sadiqan, si tu as dit la vérité, fa anta min hadhihi al-aya. هماز مشاء بنميم. Et si tu as dit la vérité, il a dit la vérité. Donc lui, il croit qu'il n'est pas menteur, parce qu'il est parti de colporter. Il dit la vérité. Et il dit, tu fais partie des gens de ce verset où Allah Azza wa Jalla dit, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance. C'est chaud, quand même c'est chaud. Et après, à la suite, il dit, wa in shi'ta afawna 'anka, et si tu veux, on te pardonne. Il a demandé sur l'homme, il a demandé l'afou. Donc, il y a Amir al-Mu'minin, Ibn Abdelaziz, c'était qui? C'était l'émir. Il peut l'emprisonner, il peut faire ce qu'il veut avec. Ça, là. Hein? C'était le gouverneur. Donc, il pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Il lui a dit le pardon au Amir al-Mu'minin, et après, il lui a dit voilà, a'oudu ilayhi abada, et je n'y reviendrai plus jamais. C'est-à-dire que plus jamais je vais parler sur quelqu'un. Plus jamais je vais colporter. Regardez, encore une fois, un tauba, inshallah, dans son hain. Une tauba sur place, dans son hain, direct. Afin de quoi? De ne pas propager le mal. Et la haine, hein, et l'animosité entre les gens, la discorde. Wassalef, yartabirunahu min al-kadib, kama fi qissat allati inda Sulayman ibn Abd al-Malik, lamma. Donc il y avait l'imam Zuhri qui était assis chez Sulayman ibn Abd al-Malik. Donc, فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ. فِيَا وَقُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ رَجُلْ أَمَّا مَا فَعَلْتَ. Donc Sulayman, il dit à un homme, on m'a dit que tu as dit sur moi telle et telle chose. Et l'homme dit, je n'ai pas fait. Je n'ai pas dit. Qala Sulayman, et Sulayman dit, innal ladhi akhbarani sadiqun. Et celui qui me dit, celui qui me rapporte cette histoire est véridique. Qala lahu Zuhri. Donc Zuhri, c'est un grand imam. Donc Zuhri se mêle de l'affaire. Donc il rentre dans l'affaire, il dit, la yakun an-nammam sadiqan. Donc Zuhri sait que celui qui a colporté, c'est un ammam, c'est un colporteur. Il dit le colporteur n'est pas véridique. فقال سليمان صدقت. سليمان قال زهري tu dis vrai. ثم قال للرجل donc سليمان قال l'homme اذهب بالسلام pars en paix. Il pouvait rien lui dire parce que c'est la vérité. On peut pas accepter. Parce que si on acceptait, qu'est-ce qui se passerait? On accepterait n'importe quoi, beaucoup de menteurs. Hein? On accepterait beaucoup de menteurs. N'est-ce pas que lorsque l'histoire de Zina, on n'accepte pas comme ça les gens, quatre témoins qui ont vu mais vraiment tous les détails, hein, et que si un témoin se trompe, par exemple si trois disent elle est blonde et que le quatrième dit elle est châtaine, hein, elle est brune, ça y est les quatre ils sont fouettés, hein, parce qu'il y a eu une différence dans le détail. Donc c'est la même chose, on n'accepte pas. Attends, on a les grandes preuves. Regardez, c'est pour protéger, quand je vous parle avec la comparaison avec les ignorants, c'est afin de bien protéger, c'est pour protéger les gens de quoi? De la diffamation. Et là aussi, c'est pour protéger de quoi? Les gens de la diffamation et du mensonge. Si on accepte la chose comme ça du colporteur, on va quoi? On va faire un grand, grand, grand mal dans la communauté qui sera fortement divisée. Donc elle va céder dans rien du tout. Donc ça ne sera plus une communauté. Ça sera une communauté apparente. Tout simplement, mais ça ne sera pas une communauté dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette protection. On ne croit pas celui qui est colporte. Sa parole, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. وَقَالَ الْحَسَنَ مَنْ نَمَا إِلَيْكَ نَمَا عَلَيْكَ. Et là, c'est important. Ça, c'est une règle. Ça devient une qaïda. Al-Hassan dit, celui qui colporte chez toi, colporte sur toi. Ah, là, c'est important. C'est la vérité. Celui qui parle de toi à quelqu'un d'autre, il parle sur toi. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Au moment, tu crois que c'est ton meilleur copain. Tu crois que c'est ta meilleure copine. Sur le moment, c'est tout. Mais après, dès qu'elle a le dos tourné, ça y est, elle parle sur toi. Ça se passe comme ça en général. Donc, regardez ce qu'il dit Hassan. Man nama ilaika nama alaik. Celui qui parle. Hein? Celui qui parle, c'est-à-dire celui qui colporte chez toi, colporte sur toi. Naam. Wa hada isharatun ila anna an-namam yanbaghi an yubrida wa la yuthqa. Hein? بقوله ولا بصداقته. Donc c'est pour ça que lorsqu'on entend cela, donc il nous est fortement demandé de quoi? De détester celui qui colporte et aussi de ne pas le croire, de ne pas considérer qu'il est véridique. وكيف لا يبرد هؤلاء ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة، وهو مما يسعون في قطع ما أمر الله بأن يوصر ويفسدون في الأرض. فقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق Donc surat Shura verset 42. Donc regardez comment elle est considérée chez les savants, la personne. La personne qui colporte est considérée chez les savants pour être. Donc quelqu'un qui ment. D'accord ? Quelqu'un qui fait du riba, quelqu'un qui fait la médisance, quelqu'un qui est traître. Donc quelqu'un qui est traître avec toutes ses formes de traîtrise, hein, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui a de l'hypocrisie en elle, quelqu'un qui cherche à semer la discorde entre les gens, hein, donc on voit aussi Riyana ou Khadira, donc ça veut dire aussi donc il est traître. Donc toutes ces mauvaises qualités, elles sont en lui. Et quoi? Et en plus ils font quoi? Yufsiluna fil ard. Hein, donc ils font quoi? Ils sèment la discorde sur la terre. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans Surah Shura verset 42: il n'y a pas de voie de recours contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus. Contrairement au droit sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. Non. Allah dit nous, si nous l'a fait. Donc regardez, donc le point là, c'est par rapport à qui? C'est aussi par rapport à ceux qui font du colportage. Wahum min shar al-nas, faqala sallallahu alayhi wa sallam, inna min shar al-nas man ittaqahu an-nas li sharrihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc cela font partie des gens les pires, font partie des pires des personnes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les pires des personnes, celui que l'on craint, hein, celui que l'on se celui dont les gens se préservent de son mal. Et le hadith rapporté par les mêmes Al-Bukhari et Muslim. Il y a bien sûr aussi, donc parmi. Il y a quelque chose qui est pire. Hein, donc le riba. Donc là, on va parler aussi du sifat nammam. Donc on a vu sifat nammam. Hein. Donc, celui qui colporte. Hein. Donc, comment il est à l'origine? C'est quelque chose qui est ancré en lui. Celui qui aime bien faire une namima, hein, on voit déjà qu'il jure beaucoup. Wallah, vous savez pourquoi il jure beaucoup? Hein. C'est une personne qui jure beaucoup parce qu'elle veut qu'on la croie. Et quelqu'un qui aime bien jurer tout le temps, wallah, ça, c'est parce qu'il ment. Et lui, il a besoin d'utiliser ce juron afin que ça passe. Il espère que, comme on dit, on fait passer la pilule comme ça, afin que ça passe. Hein? Alors on ment, on jure afin que ça passe. On ne parle pas juste tout simplement. On jure pour que ça passe. Et aussi, donc il est vil. Annahu muhin, c'est quelqu'un de vil. Donc premièrement, c'est quelqu'un qui jure beaucoup. Annahu halaf. Hein? Aussi, deuxièmement, annahu muhin. La yahtarimu nafsahu, ne se respecte pas lui-même. Wa la yahtarimu nas, il ne respecte pas les gens. Wa la yahtarimu nas qawlahu. Les gens ne respectent plus sa parole. Sa parole ne vaut plus rien. Hein? Il a besoin de son juron afin de pouvoir passer. Et aussi wanahu hammaz. Hein? C'est aussi donc un hammaz, donc le fait que c'est bien sûr il colporte. Donc c'est un hammam, annahu hammaz, yahmuz an-nas wa yu'ibuhum bil qawl wal ishara fi hulihim wa fi ghaibatihim ala wajhin sawa. Et troisièmement, il est comment cette personne-là? Donc cette personne-là critique les gens. Hein, que ce soit dans la parole ou bien dans les signes, dans les gestes, qu'il soit présent, qu'il soit absent. Et aussi, donc là on voit, là c'est un petit peu l'explication de quoi, des versets qui sont dans surat, hein, Al-Kaf, c'est bien ça, surat Al-Qalam, Afwan, surat Al-Qalam, hein, lorsqu'on parle des plusieurs, regardez dans surat Al-Qalam, lorsque vous allez voir, hein, à partir à peu près du verset 10 à peu près, hein, jusqu'au 13, du 10 au 13, verset 10 au 13, là on presse un petit peu le tefsir entre guillemets. Donc quatrièmement, Ennahu Masha binamim. Masha binamim. Donc c'est quelqu'un qui se propage, hein, qui propage justement Ennamim, qui propage cela. Donc il est colporteur, hein, diffamateur et aussi colporteur, diffamateur et colporteur. pourquoi il est comme ça? Parce qu'en vérité, il est mauvais intérieurement. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est mauvais intérieurement. Ou annahu manna lil khair. Allah, il parle de lui dans ces versets-là. Lisez les petits versets, vous allez voir. Quelqu'un qui aime le faire le bien, il n'aime pas le bien. Il n'aime pas que se propage le bien. Il aime que le mal soit propagé. Il aime qu'on déteste un tel. Il aime que demain qu'on déteste un autre. Il aime qu'il y ait une histoire entre les deux. Il aime ça. C'est sa vie. Il aime. Parce qu'à l'origine, il est quoi? Des chats, des traits. Une clé au mal, c'est quoi? Et c'est une fermeture au bien. C'est pour ça qu'il est comme ça. Maintenant, il est pour lui-même. Hein, cependant, mais pour les autres. Non, parce qu'il se fait du mal déjà lui-même pour commencer. Il commence par lui lorsqu'il fait du mal. Sixièmement, annahu mu'tadin, hein, mutajawiz al-haq. Mu'tad, c'est-à-dire qu'il dépasse les limites. Il dépasse les limites de vérité. Hein, wal-adl, itlaqan. Il n'est pas juste du tout. Hein, donc c'est quelqu'un qui dépasse tout ce qui est avec la justice. Wa annahu athim. Alors il dit bien qu'il a commis bien sûr de grands péchés. Yatanawal al-muharramat. Hein, wa yartakibu al-ma'asi. Il fait beaucoup de péchés à kulli hal. Annahu athim, c'est quelqu'un qui a beaucoup de péchés. حتى انطبق عليه الوصف الثابت الملازم له اثيم donc là il dit athim, c'est quelqu'un qui vit avec les péchés. Athim, donc c'est quoi? C'est ça, c'est sa vie. Comment on dirait quelqu'un multazim? Alors lorsqu'on parle de quelqu'un, on dit darajul salih sunni multazim. Et là dans lui c'est contraire, c'est athim. Hein, comment on dit au rêve foulen machallah, yani le abid, hein, c'est un adorateur, ben foulen athim, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui vit dans les péchés. Huitièmement, annahu autre ou aïa sifa yani tajma'u khisal al quswa wal fadada fa huwa yani dha shakhsiyatin karihatin ghayr maqboula. Donc il dit aussi, hein, donc regardez au cœur dur, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dur, c'est vrai, c'est une personne qui est au cœur dur, les gens ne l'aiment pas, elle est rejetée, elle est détestée et elle n'est pas acceptée. Hein, wa annahu zamim. Elle est Zamim, comme on voit ici, bâtard. Hein, et bien sûr, on retrouve dans Zamim le fait de reconnaître quelque chose entre quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est. Et puis, une commune justement, elle est là pourquoi on va retrouver ces bâtards. Parce qu'on dit Wala Duzina. Parce que, comme dit Abdallah ibn al-Mubarak, Wala Duzina, elle a dit La Yaktumu al-Hadith, celui qui ne cache pas quoi les paroles. Hein, parce qu'ils disent que Wala Duzina, celui qui est comme ça, à quoi est plus à même à ne pas cacher les paroles. Et bien sûr, les salafs détestaient cela. Hein? Ils détestaient cela, les salafs détestaient ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'on dit quels sont les gens les plus détestés auprès de vous? Hein? Ils disent Qila yani, les Muhammad, ibn Ka'b, ayy khisa al-mu'mini awda lahu. Quelles sont les qualités, les caractéristiques que les croyants doivent le plus délaisser? Quelles sont les caractéristiques que les croyants doivent le plus délaisser? Il dit Kessatul kalam, trop parler. Wa ifsha. Sir, et donc et propager, hein, les secrets, wa qabul al-qawl kulla ahadin. Et quoi? Accepter la parole de qabula. Qawli, qabul, qawla, qabul, qawli kulla ahadin. Donc quoi? Accepter la parole de chacun. Et aussi, donc parmi, qu'est-ce qui pousse? Donc bien sûr, toujours pas qu'est-ce qui... Hein, bien sûr, c'est l'ignorance. Hein, c'est l'ignorance que le namima, c'est haram. Ils ne savent pas que c'est parmi les kabirat dounoub. Ils ne savent pas que ça fait partie des grands péchés. Aussi, et tachaffi, wa tanfis amma fi nafs, min ghil, wa hasad. Le fait de se vider, hein, de croire qu'on va se guérir comme ça. Enfin, quand on... Soi-disant, on va souffler. Alors on se vide. On vide de ce qu'on a comme jalousie. Hein? Il a khiri, comment on utilise les jalousies, alors on le lâche. Non. Troisièmement aussi, afin musayarat al-julasa ou mujamalatihim, wa taqarrub ilayhim, le fait de vouloir faire plaisir à l'assemblée, hein, chez, avec laquelle on est. Le fait de vouloir, soi-disant, se rapprocher de cela. Et quatrièmement, iradat ika'su. Il mourki anhu ka muradat ilkal darar bi ayi shekin kan. Aussi le vouloir quoi? Faire du mal à cette personne, hein, donc que ce soit de n'importe quelle façon. Cinquièmement, izhar al-hub wa taqarrub il mourki lahu. De faire montrer quoi? Que tu aimes celui avec qui, sur qui tu es en train de parler. avec qui tu es en train de parler. Tu es en train de dire à lui, attention, il t'a dit ça sur toi. Moi, je t'aime bien, c'est pour ça que je suis venu te le dire. Là, n'oublie pas que si que moi, en te disant ça, la personne qu'elle te dit ça, n'oublie pas qu'elle t'aime bien cette seconde-là, Allah Alem, en vérité, elle va parler sur toi le lendemain. Comme elle a fait que elle va faire avec toi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. وَكَأَنَّهُ أَصْبَحَ مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ comme s'il est devenu ses grands, parmi ses grands amis. فَلَا يَرْضَ فَقَلَ تَعْلَى إِنِ عَنْهُ الناس فَلَا يَرْضَ إِنِ بِهَا فَقَلَ عَنْهُ فُلَان مِنُ النَّاسِ فُلَان مِنُ النَّاسِ بَلْ يَنْقُلُ إِلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ وَرُبَّمَا يَزِيدْ رَبَّةً فِي زِيَادَ مَحَبَّتِهِ الْمَنْقُلِ إِلَيْهِ Et voire même, des fois, il va rajouter. Il ne va pas dire que la vérité. Il va dire des choses qui sont vraies, il va rajouter. Afin d'être plus l'aimé. Afin de dire, maintenant, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Il s'est passé ça, je l'ai répondu. Il a parlé, mais je lui ai dit, haram, c'est pas bien, il est bien le frère, laisse-le. En fait, il n'a rien dit l'autre. Il va rajouter comme ça, juste pour se faire remarquer. Sixièmement, l'ab, wal hazl. Fa'ina hunaka majalis tuqam ala dahk, wal hazl, wal nakl kalam bayna an-nas. Le fait de rigoler. Donc les gens qui se rassemblent, les assises, de quoi? D'amusement, de perte de temps. Naam. Afin de, comme on dit, d'amuser la galerie. Sabi'an iradat tasannur wa ma'rifat al-asrar. Naam. Fi ahwal an-nas an fulan wa yahtik satr fulan. Donc le fait de zama de devant les gens, soi-disant, yaz'umu annahu ya'rifu an-nas. Soi-disant, il veut faire quoi? Il prétend qu'il connaît les gens, il connaît les secrets. Moi, je connais, moi. Je les connais, eux. Je les connais bien, ils sont comme ça, comme ça. Je peux dire, ils m'ont dit, ils m'ont raconté, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils sont comme ça, en vérité, ils sont pauvres. Même comme ça, ça suffit. Ils sont pauvres. Miskina, son mari est radin avec elle. Son mari ne lui donne pas. Il y a ceci, il y a cela. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et à qui on dit. Il faut faire attention à ce qu'on dit et à qui on dit. Après, parce que ça se répète, ça se propage. Donc attention à cela. Surtout quand c'est des histoires de couple, là, c'est encore pire. Non. Et aussi, comment on a vu un petit peu comment il fallait faire avec le Namam, donc Mus'ab ibn Umair, donc on a vu ça auparavant, là je vais terminer avec cette parole-là, donc ça sera la dernière parole, parce que notre dar, ce machin-là, il était long. Donc c'est un grand sujet, c'est pour ça. Donc Mus'ab ibn Umair, qui est le premier ambassadeur de l'islam, comme on dit, c'est le premier compagnon qui a fait da'wah dans l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Médine, pour s'occuper, avant qu'il arrive à Médine, il l'a envoyé lui d'abord pour enseigner l'islam aux gens. Il dit, Nahnu nara anna. قبول نعم أن قبول السعاية شرع من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة. Nous on voit que accepter, c'est-à-dire le colportage, est pire que le colportage en lui-même, d'accord? Car le colportage c'est le fait de montrer, c'est le fait de dire, mais l'acceptation c'est le fait d'agréer, c'est إجازة, c'est le fait d'agréer et de d'accepter cela totalement. وليس من دل على شيء فأخبر نعم فأخبر كمن يعني قبل قبله وأجازه. Il dit donc celui qui le dit n'est pas comme celui et celui qui l'annonce n'est pas comme celui qui l'accepte et celui qui l'agrée. فاتقوا السعي فلو كان صادقا في قوله لكان ليمن في صدقه حيث لم يحفظ حرمته وَلَمْ يَسْتُرْ الْعَوْرَ. Donc attention à celui qui propage cela, il prévient par rapport à celui qui propage, parce que même s'il est véridique dans cette propagation, sachez que même s'il est véridique, il ne l'est pas dans le fait qu'il n'a pas protégé cette parole, il ne l'a pas gardée en lui-même, mais il n'a pas aussi bien sûr caché les défauts. Il n'a pas caché les défauts. Donc on a terminé pour ce qui est de ce sujet. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Donc j'ai pourtant essayé de prendre plusieurs facettes, mais en ikhtisar, en résumant, c'est qu'un résumé parce qu'il y a beaucoup plus de choses par rapport à cela, c'est plus long. Et donc voilà, donc maintenant juste deux minutes, donc je vais dans le truc admin, même si vous êtes si vous avez les points rouges, vous êtes débloqué, c'est que on va rapidement inchallah voir pour le sujet prochain. Donc c'est pour mardi. Donc il faut faire vite parce qu'un sujet ça se prépare, c'est long. Donc pour mardi. Il n'y a pas de questions, Inch'Allah. Je ne sais pas parce que j'ai vu que beaucoup de gens levaient la main. Maintenant je peux le dire à la fin. Il n'y a pas de questions après le cours. Barakallahu fikum. Il n'y a pas de questions. précis après tour, attirant et important. Donc là, vous pouvez écrire. D'accord ? Si maintenant les gens ont quelques sujets, je veux voir un peu ce qu'on va écrire et j'en choisirai un, Inch'Allah. Donc 2 minutes, Inch'Allah. Même ceux qui ont le poids rouge, ils peuvent écrire, parce que je l'ai débloqué de l'intérieur. D'accord ? Donc sachez que vous pouvez écrire. Donc envoyez, comme ça, on va à Katou. Écrivez directement, Inch'Allah, ça suffit. Un salam suffit. Hein, barakallahu fikoum. Un salam suffit. Inch'Allah, si un salam, sachez que dans Ahkam al-Salam, dans les règles du salut, si un d'entre vous m'a salué, il a salué pour tout le monde. Naam. Amin. Barakallahu fikoum. Donc il m'a salué pour tout le monde. Donc il est suffisant que moi je lui dise wa alaykoum salam une fois, c'est suffisant. Donc vous pouvez écrire directement en fin de compte maintenant si vous avez des idées pour les textes. Donc ça sera Tawhid, il y a déjà des sujets sur Tawhid. On fait déjà le Tawhid, comme le frère Dominique fait sur Tawhid, mais enfin des sujets qui sont bien précis. Donc moi je suis en train de lire comme ça, hein, je regarde. Hein. Donc le comportement dans l'islam a son importance. Hein. Voilà. Donc le bon comportement, taïb, le shirk. Les questions, Inch'Allah, c'est avec le frère, c'est avec le Témia. Doucement, doucement, comme ça j'ai le temps de lire un peu. Arrêtez d'écrire pour que je puisse terminer, sinon vous allez trop vite pour moi. Là, comme j'ai dit, les questions, c'est pas que moi, c'est avec le Témia. La recherche dans la science, l'éducation des enfants, problème de couple, polygamie, ruqya, légal, les différents types de châtiments. Stop, comme ça j'arrête. Comme ça je peux lire ce qui concerne la femme musulmane dans notre rôle dans la communauté. Je crois que le frère Ademey qui a parlé sur ça, il fait justement sur les femmes. Donc les conditions de la djihad, les règles du djihad dans l'islam, les droits du voisin, alliance et des... hein, donc voilà le balan. Je crois qu'il y a déjà des cassettes dessus, sur le hajj. Ça a été fait sur le hajj. Khair, Inch'Allah, ça a été fait sur le hajj. 4 cassettes, c'est déjà fait. Faire que l'akhlaq, hein, l'importance de la science, les actions, la prière, Inch'Allah, concentration sur la prière, kalima, hein, la ilaha illallah, comportement du mari envers la femme et les époux. Le frère Abdemé qui a parlé sur ça, l'éducation des enfants. Il y a des cours sur le mariage. Non, mais il y a déjà des cours sur le mariage. Donc l'éducation des enfants, okay, conseil bénéfique en général, hein, la foi absolue, l'absolue la foi, mutlaq al-iman ou l'iman mutlaq, l'alliance et des aveux, là, c'est sincérité, intégrité, dans la sunna, dans la sunna. Je vois qu'il y a, je sais à peu près de quoi je pourrais parler, ma classe. D'accord. Taïb, c'est parfait. Comme ça, j'ai un peu ça me donne au moins une idée. Ça me donne une idée de ce que les gens veulent. Taïb. Donc les parents, les preuves, comment les surmonter, les épreuves, tout ça. Taïb. Taïb. Il y a des idées, alhamdoulilah, ça donne comme ça au moins je peux en choisir un. Là j'ai un taïb. Narration, très problème de groupe. Beaucoup de groupe. Conseil sur le Coran, méthode pour s'éduquer. Les parents, tawhid et shirk. Taïb, c'est parfait, hein, c'est parfait, Inch'Allah. Khlas, c'est bon, on a déjà quand même pas mal de trucs, ça suffit, après on va oublier. Inch'Allah, barakallahu fikoum, les avocations, on le fait déjà. Jazakallahu khair, barakallahu fikoum. Subhana ila ilant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc c'est, quand est-ce ? Mardi, Inch'Allah, mardi prochain, barakallahu fikoum. Donc ça sera plus tôt, il sera plus court le cours parce qu'il y aura une témia juste après moi. Jazakallahu khair, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ma parole.